بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاف خير سوغن إسلام Bienvenue à notre nouvelle série sur la croyance en islam, sur notre aqidah, ça veut dire notre croyance qui est bien sûr la science la plus importante de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Je vous avertis à l'avance que ça ce n'est pas une série, ce n'est pas des cours simplifiés sur la croyance. Parce que la croyance de l'islam bien sûr simplifiée pour n'importe quel, ce que n'importe quel musulman doit connaître, on peut l'expliquer en quelques minute, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, et ainsi de suite. Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ici, on est dans un cours académique. Ça veut dire qu'on veut approfondir nos connaissances. On veut approfondir nos connaissances. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est des choses qui sont complexes, que c'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Ça peut paraître parfois comme étant des éléments qui sont difficiles. Mais c'est le simple fait que ce soit la première fois que vous avez entendu de tel ou bien de tel autre sujet. Donc, Inch'Allah ta'ala, avec un peu de concentration, un peu de révision, un peu de questions, vous allez bien pouvoir comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et je vous garantis que ce sujet-là, le sujet de la croyance, c'est le sujet et le thème et la science la plus importante de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si tu veux mettre, n'est-ce pas, tes bons pneus d'hiver, si tu veux avoir de bons souliers comme ça pour ne pas glisser dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première mesure à prendre, c'est quoi? C'est de bien comprendre ta croyance. De bien comprendre ta croyance. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, c'est une religion qui est large, qui touche à tous les aspects de notre vie. Mais elle peut être résumée à deux aspects. Aqidatun wa shari'atun. C'est une croyance et une législation. C'est une croyance et une législation. Donc, en général, rien ne sort du domaine soit de la croyance ou bien du domaine de la législation. La législation, on la comprend tous. C'est la jurisprudence. C'est qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est interdit. Ce qui est en général, n'est-ce pas, le point d'intérêt de la majorité des musulmans. Entre guillemets comme ça, entre parenthèses, malheureusement. C'est une situation malheureuse. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on est en train de brûler une étape. On saute une étape nécessaire. C'est parce que la jurisprudence, la législation, cette partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est fondée sur l'autre partie la plus importante qui est la croyance. Si tu enlèves la croyance, la jurisprudence n'a plus de sens. Voyez-vous, ça devient des interdits et des obligations. Tout comme dans n'importe quel code et n'importe quelle loi dans le monde. C'est pour ça qu'il y a plusieurs musulmans qui disent « Moi, je jeûne le ramadan. Parfois, je vais à la mosquée. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais. » Qu'est-ce qui manque ici? Il manque le fondement qui est la croyance. Quelle est donc la définition de la croyance? Qu'est-ce que ça veut dire la croyance selon vous? Quand on parle de croyance, on parle de quoi? Oui. La conviction. La conviction, excellent. Quoi d'autre? Donc ici, on est en train de parler de conviction. Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement de simples actions. On parle ici de conviction. Je suis convaincu que maintenant, c'est le jour. Ou bien je suis convaincu que ce soit la nuit. Voyez-vous, une conviction en général, ça peut être soit faux ou bien vrai. Soit faux ou bien vrai. Quoi d'autre? Quand on parle d'une croyance d'une personne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Telle personne a telle et telle croyance. Si on va plus profond que le simple fait que d'écrire. Il dit qu'il croit que maintenant c'est le jour. Il croit que maintenant c'est la nuit. C'est quoi l'impact de tout ça? La certitude, quoi d'autre? Connaissance, quoi d'autre? Voix. En général, une conviction n'est pas si innocente qu'elle le paraît. Elle n'est pas si théorique qu'elle le paraît. Je peux prétendre avoir la conviction que maintenant c'est le jour, ou bien que maintenant c'est la nuit, voyez-vous? Et quelqu'un va dire, ça change quoi, en fin de compte? En réalité, le jour va être le jour et la nuit va être toujours la nuit. Mais en réalité, cette conviction-là va avoir un impact sur moi. C'est parce que si je perçois qu'actuellement c'est la nuit, en général, psychologiquement, moralement, je vais plus avoir tendance à vouloir me reposer, à me retirer, à chercher la tranquillité, refuge, ainsi de suite. Et si je crois, psychologiquement, moralement, je crois qu'actuellement c'est le jour, la journée, en général, pour la personne standard, bien sûr, il y a des personnes qui vivent une vie qui est en quelque sorte un peu inversée, mais on parle d'une personne qui est normale, voyez-vous. C'est quoi l'impact de croire qu'actuellement c'est le jour et c'est la journée? En général, l'impact psychologique, c'est que je vais me sentir motivé à faire des choses. Je veux accomplir des choses. Voyez-vous, donc, j'ai pris un exemple qui est très simple. Mais quand on parle de croyances religieuses, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux que ça. Et le problème des musulmans de nos jours et le problème de toutes les nations à travers l'histoire a toujours été la croyance. Parce que la croyance est une chose qui dirige la vie des gens et des personnes de façon qui est inconsciente. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Et ils ne savent pas et ils ne remarquent pas nécessairement c'est quoi la relation entre cette croyance que moi j'ai et mon mode de vie en tant que tel. Voyez-vous, c'est parce que la croyance, et on va l'exprimer en d'autres mots, ma croyance, entre guillemets comme ça, c'est entre guillemets en général. Bien sûr, la aqida, ce n'est pas une philosophie, mais j'explique une croyance en général. La croyance en général, c'est ta philosophie de vie. Ça veut dire comment est-ce que tu perçois ce monde? Comment est-ce que tu perçois cette vie du bas monde et cet univers dans lequel tu vis? Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle une croyance. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez remarquer la puissance et la force de la croyance et que la croyance est plus puissante que l'argent, que la force. Ça veut dire la force ici dans son sens direct. Ça veut dire la force de la puissance en tant que telle. Est plus importante que la connaissance, que la dignité, que toute autre chose. Il y a des sociétés à travers l'histoire qui peuvent être dirigées par de fausses croyances. Vous savez, il y a une parole qu'on répète souvent, que vous entendez souvent, qui dit « La religion, c'est l'opium des peuples. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien en désaccord? Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Ouais, dans l'histoire c'est vrai. En général c'est vrai. Ça veut dire la seule exception c'est la vraie religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire si la religion est fausse, si la religion est une religion qui est soit altérée ou bien fabriquée en toutes pièces, croyez-moi ça devient l'opium des peuples. C'est parce que tu peux faire croire aux gens n'importe quelle chose. On peut avoir par exemple certaines dérives. Comme le fait que certaines personnes, surtout dans les sociétés, n'est-ce pas, même parfois dans certaines sociétés musulmanes comme ça de nos jours, où il y a beaucoup d'ignorance et ainsi de suite, des personnes qui ne sont pas vraiment en mode pratique de leur religion. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens du livre avant nous, il nous décrit des personnes comme ça. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Parfois, il y a des gens, ils vont inventer des choses comme ça dans leur religion, n'est-ce pas? Et ces choses-là, qui ne sont qu'une pure illusion, ça va devenir un leurre pour eux. Ça veut dire qu'ils vivent dans un rêve, ils vivent dans l'illusion. Comme par exemple, je vais vous donner des exemples. Comme dans certaines sociétés où les gens ne pratiquent pas leur religion. Les gens sont éloignés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont certaines croyances, par exemple, qui font en sorte que les gens arrivent à un certain degré où ils deviennent fanatiques, des personnes pieuses, des personnes qu'on appelle religieuses. Donc, par exemple, ils vont croire que, bon, parce que lui, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est très proche de Dieu, n'est-ce pas? Tout ce qu'il suffit de faire, c'est que si tu le vois, n'est-ce pas, tu vas comme ça t'incliner devant lui, tu vas être tellement gentil, même si lui il est pauvre et toi tu es tellement riche et tu fais tellement de haram et ainsi de suite. Tu lui dis bonjour, n'est-ce pas, tu vas le toucher comme ça, tamassuh, n'est-ce pas, parce que tu crois qu'il y a une certaine bénédiction dans son corps. Tu vas dire, s'il te plaît, invoque Dieu pour moi. Et tu ne le fais pas parce que c'est une sunna, c'est parce que tu crois vraiment que cette personne-là peut intervenir pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous? Et les gens vont croire que le simple fait qu'aujourd'hui tu as vu cette personne, tu lui as dit, regarde, je t'aime tellement, tu es quelqu'un de très pieux, etc., je ne suis pas comme toi. Il y a des personnes qui vont croire que le simple fait d'avoir fait ça, il va te faire entrer au paradis avec lui. Ça veut dire, fais ce que tu veux avant et après. Voyez-vous? Donc là, c'est quoi l'impact? L'impact d'un côté, c'est que cette personne-là, qui est ignorante d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens, s'ils ont de telles croyances, ils vont se permettre de faire les interdits à droite et à gauche. Et à croire, on a bien sûr un autre exemple qui est très évident, n'est-ce pas, le fait de croire que, bon, si tu aimes Jésus, juste le fait de prétendre que moi j'aime Jésus et je crois en Jésus, ça veut dire Jésus, pas le Isa que nous on y croit, qui est le prophète d'Allah, alayhi salam, Jésus qui est, en prétend, qui est le fils de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, an dhalika kulli. Juste le fait que moi je crois que je l'aime, il va porter mes péchés. Il va me purifier de mes péchés. Ça veut dire je n'ai pas à m'inquiéter. Je peux faire tout ce que je veux tant que j'aime Jésus. Ça c'est une croyance qui semble être tellement innocente. Mais l'impact dans la vie c'est quoi? Fais ce que tu veux tant que tu aimes Jésus. Voyez-vous? De l'autre côté, qu'est-ce que ça va faire? Si on va regarder, par exemple, l'histoire de la religion en Europe, et on voit très bien les conséquences aujourd'hui, ces gens-là qui sont les religieux de l'autre côté, ils vont dire quoi? Ces gens-là qui deviennent fanatiques, qui nous aiment tellement, qui croient tellement en nous, qui nous vénèrent et ainsi de suite, ça c'est une opportunité pour nous aussi. C'est une opportunité de pouvoir, voyez-vous? Donc, moi je suis religieux, j'ai l'air tellement religieux, mon père était religieux, il faisait beaucoup de prières, etc. Je vais m'habiller comme une personne religieuse, je vais me comporter de façon qui est distincte, et là je peux me permettre de demander aux gens l'argent, ce que je veux, n'est-ce pas, de leur bien ce que je veux, ainsi de... Je me permets tout, c'est parce que je suis la personne religieuse. Dans d'autres pays, comme dans certains pays d'Afrique par exemple, où il y a beaucoup d'ignorance et de jahl et ainsi de suite. Les gens, ils croient en certains mauvais signes. At-tatayyur, at-tasha'um. Donc moi, si je sors de chez moi le matin et qu'en ouvrant la porte de ma maison, il y a un chat noir qui passe, je crois que ça, c'est la fin du monde. Ma journée, ça va être une journée qui va être pleine de malédictions. Encore une fois, c'est une conviction qui semble être tellement innocente. Ça semble être une blague. Mais en réalité, l'impact que ça a sur la vie de la personne est complètement différent. Ça veut dire, je reviens chez moi, je ferme la porte et ça y est. Ma journée est cuite à l'avance, voyez-vous. Et je vais, même si je vais procéder, je vais faire mon effort, etc., je vais expliquer et interpréter tout échec que je pourrais commettre lors de ma journée par le chat noir que j'ai rencontré le matin. Voyez-vous, mon commerce ne fonctionne pas, c'est pas parce que j'ai pas fait mes efforts, j'ai échoué dans mon examen, c'est pas parce que j'ai pas bien révisé, ainsi de suite. À la place de me remettre en question, de dire que ah, c'est peut-être que j'ai pas fait les bons travaux, qu'est-ce que je dois réviser, ainsi de suite, revoir mes pratiques, ainsi de suite. Je vais tout blâmer sur le chat noir. Vous comprenez? Il y a une fois, un homme, dans l'un des pays comme ça, sans nommer le pays, parce qu'une fois j'ai nommé le pays dans une khutba du Jumu'ah, il y a un frère qui s'est levé après ça et a commencé à crier, il m'a dit « Pourquoi tu parles de mon pays ?» etc. J'ai dit « C'est une histoire qui elle s'est déroulée dans ton pays, comme ça se déroule dans n'importe quel pays du monde. » Mais en général, dans un village comme ça, les gens avaient cette croyance que lors d'une certaine journée de la semaine, je ne me rappelle pas c'était quelle journée, mettons c'est le jeudi, tout celui qui voyage le jeudi va être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas voyager lors d'une telle journée. Il y a quelqu'un qui connaît sa croyance, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ça c'est un mensonge. Qu'est-ce que les gens sont en train d'inventer? Je vais leur prouver que ce n'est pas vrai. Le jeudi, par exemple, il a pris son cheval et il a dit « Bismillah ». Où est-ce que tu t'en vas? Je pars en voyage. Ils ont dit « T'es fou, descends de ce... » Non, laissez-moi partir, je veux partir. Mais t'es fou, tu vas être maudit, voyez-vous? Parce que là, ça devient une religion, ça devient une croyance. Que les gens, ils croient vraiment que c'est interdit de voyager lors de cette journée en particulier. Là, le monsieur, il arrive, il avance, il commence à avancer un peu avec son cheval. Après quelques mètres, son cheval le jette par terre. Ils disent « Voilà, t'as vu, on te l'avait dit. » Tu as été maudit par Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, déjà lui, il voulait leur prouver que cette chose n'était pas vraie. Et à ce point-là, ça semble être vrai. Donc là, ça devient une épreuve, même pour lui, même pour sa croyance à lui. Parce que sa certitude en tant que telle est remise et mise à l'épreuve. Voyez-vous, là, il ne lâche pas. C'est parce qu'il a le yaqin en Allah, subhanahu wa ta'ala. La semaine d'après, le jeudi, il reprend son cheval. La même chose, il veut sortir. Les gens, ils vont dire, tu vas être maudit, regarde, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Il dit, je pars quand même en voyage. Il avance un peu, son cheval, le jette par terre. Encore une fois, mise à l'épreuve. Il dit, j'ai le yaqin en Allah, subhanahu wa ta'ala. La troisième semaine, il prend son cheval, la même histoire qui se répète. Les gens lui disent, non, ne pars pas en voyage, ainsi de suite. Il prend son cheval, il sort. Et il voyage normalement et il n'y a rien qui lui arrive. Et voilà qu'il vient avec une seule, comme ils disent, contre-preuve de briser la règle en tant que telle et de leur montrer que ça, c'est une croyance qui est fausse, qui est imaginaire. Alors, imaginez ici l'impact que ça peut avoir sur une tribu ou à l'échelle beaucoup plus grande, une société, le fait de croire que le jeudi, tu ne peux pas voyager, imaginez l'impact que ça va avoir sur l'économie, sur la vie des gens, ainsi de suite. Pour le reste de leur vie, ils vont croire que tu ne peux pas voyager le jeudi. C'est interdit, c'est haram. Voyez-vous, donc, comme j'ai mentionné, on va voir ça, inshallah, le plus qu'on va avancer, on va voir sur chaque pilier de la foi, c'est quoi les impacts sur notre vie de tous les jours. Voyez-vous, on va voir, inshallah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qu'avec la croyance, tu peux tout changer. La croyance qui est vraie, la croyance qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut enlever tous les obstacles. Tu n'as plus d'obstacles quand tu as la vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec les fausses croyances, encore une fois, tu peux transformer la religion en une drogue. Tu peux faire des gens ce que tu veux. Si les gens réussissent à croire à cette chose-là en laquelle toi tu es en train de prétendre. Comme on va voir, inshallah ta'ala, des exemples, n'est-ce pas, pour prendre des exemples un peu dans le cadre de l'islam, comme il y a certaines sectes un peu extrêmes, n'est-ce pas, comme certaines sectes mettant... Pour ne pas donner tous les exemples maintenant, bien sûr, pour ne pas commencer à couvrir le contenu dès maintenant, mais je donne juste des aperçus comme ça, n'est-ce pas? Si on parle, par exemple, de la secte des Khawarij, des Kharijites, n'est-ce pas? On va voir plus tard, inshallah ta'ala, pourquoi en détail, c'est quoi les Khawarij, c'est quoi leur croyance, et ainsi de suite. Mais en bref, cette secte-là des Kharijites, des Khawarij, elle croit, ça veut dire sa déviance, son point de déviance, c'est quoi? C'est le fait qu'elle croit que toute personne, tout musulman qui commet un péché, surtout si c'est un péché majeur, il devient mécréant sur place, de la mécréance expresse. Tu sors de l'islam sur le champ, voyez-vous? Imaginez le nombre de personnes qui vont être affectées par un tel jugement. Si tu crois en ça, si moi je crois que le fait qu'un musulman qui commette un péché, surtout si c'est un péché majeur, il va sortir de l'islam, qu'est-ce que je vais faire? Par milliers de personnes, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, à chaque jour, n'est-ce pas? Kafir, kafir, kafir. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ça veut dire, si je vais dans les mosquées, comme les sectes de takfir ils font, si je vais dans les mosquées, je vais douter de toute personne. Non, ils vont faire la prière, je ne peux pas prier avec lui. Lui, c'est un kafir. Lui, je l'ai vu en train de prendre la cigarette. Lui, je l'ai vu dans un bar. Kafir, kafir, kafir, kafir. Ça veut dire, ni je vais prier avec les musulmans, ni je vais faire le ramadan avec les musulmans, ni je vais... telle chose, et ça peut s'étaler à d'autres exemples, le mariage, l'héritage, et ainsi de suite, voyez-vous. Donc, c'est une croyance qui semble être tellement innocente, tellement théorique, mais en réalité, c'est complètement le contraire. Si on va prendre l'exemple de certaines sectes extrémistes de soufisme extrême, c'est pas tout le soufisme qui est sur le même degré, mais on parle ici des formes extrêmes de soufisme, voyez-vous, qui vont te dire que, bon, maintenant, tu es avec ton cheikh, et ton cheikh, maintenant, toi, à chaque fois que tu es avec ton cheikh, auquel tu as prêté allégeance, n'est-ce pas, tu dois être avec ton cheikh comme le mort avec son laveur, avec celui qui le lave. Ça veut dire ne questionne rien. Ne demande pas de questions. Applique à la lettre. Même si tu vois ce que tu vois, ne demande jamais de questions. Tout ce qu'il dit, tu dois y croire. Sinon, parce qu'on va t'enseigner, on va t'endoctriner de la sorte, dès ton jeune âge. On va te dire que sinon, attention, gare à toi, si tu vas oser dire à ton cheikh pourquoi ou bien non. Tu vas aller en enfer. Parce que ça, c'est le cheikh, c'est l'allié d'Allah, il est très proche d'Allah, c'est un saint, ainsi de suite. Alors ne questionne rien. Ne questionne rien. C'est quoi l'impact? Il va faire de toi ce qu'il veut. Voyez-vous, il y a plein de vidéos comme ça sur Internet, des choses qui font tellement pleurer et tellement rire en même temps. Voyez-vous, ça devient presque du théâtre, n'est-ce pas? Cheikh comme ça qui est en train de danser, il fait des choses bizarres comme ça pour faire entrer les gens comme ça en état de transe. Et après ça, il va leur dire, n'est-ce pas, maintenant on est arrivé, on est dans la situation de Hadra. C'est quoi Hadra? Ça veut dire, il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec nous maintenant. Il vient d'arriver. Vous, il n'y a personne qui ne le voit, mais il est avec nous. Si quelqu'un arrive à croire en une chose pareille, sa religion est finie. C'est terminé. Quoi de plus que quelqu'un qui va te prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec vous maintenant? Imaginez si maintenant, moi je vais vous dire, bon les frères, bon, il est 2h08 là, khalas les frères, je viens d'avoir ce sentiment là spécial, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'arriver ici. Et vous allez me croire, vous allez dire Allahu Akbar, alhamdulillah, khalas, je peux vous dire n'importe quoi après ça. Mettez votre argent sur la table, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de me le dire. Voyez-vous, faites telle chose et vous allez faire n'importe quelle chose pour une simple question de croyance, pour une simple question de croyance. Taïb. Donc la croyance, c'est tes convictions, ta vision de cette vie et de cet univers. Est-ce qu'il y a des divergences sur la croyance en islam? Est-ce que la croyance fait l'unanimité ou bien il y a des divergences? Il y a des divergences, on vient de mentionner des exemples, des kharijis, telle chose. Mais est-ce que ces divergences-là sont en général de la même nature que les divergences qu'on a dans les fiqh, dans la jurisprudence? Rappelez-vous, quand on a fait par exemple le séminaire sur les axiomes, les maximes de fiqh, qawa'id fiqhiyya, on avait dit que sur telle opinion, il y a deux, sur telle question, il y a deux opinions, trois opinions, les hanafi, les hanbali, ainsi de suite. Sur la croyance, il y a aussi des divergences entre les gens qui prétendent être des musulmans. Ça peut être des musulmans, ça ne peut pas être parfois des musulmans. Mais ici, il faut comprendre qu'en général, ces divergences-là ne sont pas des divergences de différence d'opinion entre tel savant et tel autre savant. En général, c'est ce qu'on appelle des déviants, ça veut dire des sectes. C'est quelqu'un, à un certain point de l'histoire, il va nous inventer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, il va faire un dérapage. Et le dérapage par la suite va évoluer, va se transformer en mille et une choses. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu par exemple la secte des Mu'tazilites, comme on va en parler inshallah ta'ala, quand on va parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont inventé quelque chose, une invention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais mentionné, ni les compagnons ne l'ont mentionné, ni personne ne voit l'intérêt de se poser une telle question. Même si la question, même la réponse qu'ils fournissent, elle est fausse. Mais même l'intérêt de la question, tu vas te demander qui a pu penser à une chose qui est pareille. C'est quel shaitan qui a ramené une telle idée? Ils ont demandé aux gens, ils leur ont dit, c'est important pour vous de vous demander la question. Est-ce que le Coran est créé ou bien il n'est pas créé? Ça veut dire, est-ce que le Coran, c'est une créature d'Allah? A'oudou billah. Juste une question comme ça, ça a donné naissance à toute une secte. Et cette secte-là est arrivée à un certain moment de l'histoire à certains dirigeants, à certains califes qui ont tellement aimé cette idée de le Coran, est-ce qu'il est créé ou bien il n'est pas créé. Imaginez un dirigeant, quelqu'un de puissant, un calife qui commence à éprouver les gens à l'intérieur de sa société. On va demander à chacun, est-ce que tu crois que le Coran est créé ou non? Si tu dis non, viens, garde, c'est un crime, on va te punir pour ça. Et il a puni des savants comme Imam Ahmed et ainsi de suite, n'est-ce pas, des savants qui ont été punis pour une chose qui semble être tellement futile, tellement futile. Donc en général, les divergences sur la croyance, en général, c'est des divergences de déviants. Ça veut dire que c'est des gens qui sortent du chemin. Lui va inventer telle chose. C'est pour ça que, remarquez ici la différence. Il faut faire très attention parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui mélangent entre ça. On a les écoles de jurisprudence de l'islam. On a plusieurs écoles, mais les grandes écoles sont du nombre de 4. Quelles sont les 4? Par ordre chronologique de leur apparition. Abu Hanifa, ça veut dire les Hanafites. Imam Malik, les Malikites. Imam Shafi'i, les Shafi'i, après ça les Hanbali. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est 4 écoles. On les appelle des écoles de la jurisprudence en islam. Une autre fois, Inch'Allah, on va faire un cours sur l'évolution de la jurisprudence. On va parler de ça en détail. Ce n'est pas notre sujet. Mais j'aimerais seulement mentionner le fait que ça, c'est 4 écoles. Ce n'est pas des sectes, à ne pas mélanger avec les sectes. Ça, c'est des gens qui suivent tous la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui sont tous sur, c'est des grands savants de l'islam, qui sont sur le chemin de la bonne voie. De l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les divergences entre eux, en général, c'est des divergences dans la jurisprudence, dans certains détails de la religion, les détails pratiques de la religion. Et c'est pour ça que ces gens-là, on les appelle des écoles. Ça veut dire, si tu vas ouvrir un livre de la jurisprudence malikite, hanbalite, hanafite, ainsi de suite, tu vas trouver tous les détails de la religion, du début jusqu'à la fin. Tous les chapitres sont couverts. Les sectes, c'est une autre chose. Les sectes, en général, c'est une personne qui va initier une secte, comme on l'a mentionné, à travers une idée, une opinion. Je vais vous donner comme ça pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça peut évoluer très vite. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. On va commencer avec la question de la croyance. Le simple fait de prétendre, ça c'est une innovation dans la religion, c'est une secte, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah, ça s'appelle... Les Mordi'a. Ça débute de quelque chose de très simple. Qui te dit que la foi, c'est seulement dans le cœur? La foi, c'est dans le cœur. On va expliquer ça en détail, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, etc. Ne pas précipiter le contenu en tant que tel. Mais, avec une simple parole comme ça, encore une fois, qui semble être innocente, ça se développe, mais, n'est-ce pas, c'est une question de cause à effet, voyez-vous. Donc, moi je crois en A, mais logiquement A va mener vers B. Donc je vais dire B, je vais dire A et B. Moi je vais mourir, quelqu'un d'autre va venir après moi. Il va prendre mes livres, il va élargir la réflexion. De B, il va sauter à, on va dire ça implique C, logiquement. Et ainsi de suite, et après quelques années de A, tu vas te retrouver à arriver à Z. A, c'était que la foi, c'est dans le cœur. Z, ça va être quoi? Ça va être quand il y a des gens qui ont prétendu que Shaitan, Satan, c'était pas un mécréant, c'était un croyant. Que Shaitan, c'était pas un kafir, que Shaitan, c'était mu'min. Si même le Shaitan, c'est un mu'min, c'est un croyant, qu'est-ce qui reste de la religion? Qu'est-ce qui reste de la religion? Ça veut dire, même Shaitan, ça va être ton ami. Même Shaitan, ça va être, c'est notre frère, n'est-ce pas? Il faut faire dua, qu'Allah le guide. Qu'est-ce qui va te rester de la religion? Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle une secte. Ça commence avec une idée. C'est un homme qui va développer une idée, n'est-ce pas? Et en général, une secte, comme la secte des Murji'a, la secte des Mu'tazila, la secte, n'est-ce pas? Les différentes sectes, on va voir, Inch'Allah, les Kharijites, comme on l'a mentionné, ce n'est pas une école. Ils ne vont pas voir la religion comme ils disent « at large », n'est-ce pas? Ils ne vont pas t'écrire un livre comme ça, ils te parlent de toute la religion, l'éthique dans la religion, la prière, ainsi de suite. Non, ils vont se concentrer sur un seul point. Ce point-là, c'est sa religion en général, n'est-ce pas? Comme les sectes qui déclarent la guerre et la haine aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa religion, c'est quoi? Maudire les compagnons et vénérer Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an. Ça devient tout ça la religion. Les autres parties de la religion ne deviennent plus importantes, c'est parce que tout va tourner autour de ce point-là. Donc il faut comprendre que dans la aqida, dans la croyance, oui, il y a des divergences, mais en général, c'est des divergences qui sont entre les gens qui sont sur la voie de l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et entre les différentes sectes qui vont innover à droite et à gauche, et chacune d'entre elles va s'arrêter à telle ou bien à telle autre station. Bien que, et on va le voir, inshallah ta'ala, bien que c'est important de comprendre que sur certains points, certes, une minorité de points de la jurisprudence, il y a des différences d'opinion entre les savants de la sunna. Ça veut dire qu'ils suivent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire les grands savants de l'islam. Et ça, en général, c'est des questions, c'est des divergences qui ne sont pas graves. On va les voir en détail, comme le fait, par exemple, de... Il y a divergence d'opinion entre les grands savants de l'islam. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce bas-monde, avant de mourir? Est-ce qu'il l'a vraiment vu avec ses yeux, ou bien il l'a vu avec son cœur seulement? Lors de l'Isra ou l'Mi'raj, la résurrection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de ça. Ça, c'est une question de différence d'opinion depuis le temps des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas une question ici innovateur et personne qui est sur la droiture. Non, tu vas dire, moi, je crois, n'est-ce pas, il y a une autre opinion. Pas grave, pas si grave que ça. L'impact de ça, est-ce qu'il est grave? Est-ce que le fait de croire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur dans ce bas-monde, ou bien il ne l'a pas vu, est-ce que ça peut avoir de graves conséquences? Non. Est-ce que c'est avec ça que tu vas dire, Shaytan, il est croyant? Non. Voyez-vous, donc ça reste des questions qui sont, en quelque sorte, flexibles, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Autre chose très importante à comprendre, ça c'est un point excessivement important à comprendre. Il n'y a pas quelque chose de plus détaillé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la croyance. Ça veut dire le Coran et après ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont tout dit sur la croyance. Il n'y a pas quelque chose qui est flou, qui n'est pas clair. Et ça on le dit pour arriver à un autre point qui est le fait de comprendre, c'est important de comprendre, que la croyance en islam, attention à ne pas mélanger avec, comme on l'a mentionné, d'autres formes de religion ou bien de secte ou autre chose, la croyance, la aqidah dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de l'endoctrinement. Ça veut dire ce cours-là, c'est un cours de croyance. On ne fait pas d'endoctrinement ici. On ne vous dit pas, vous devez croire telle chose et vous devez croire telle chose et vous devez croire et vous devez prendre ça à la lettre. Non. Tout est prouvé par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et par les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Chacun a le droit de lever sa main pour dire d'où est-ce que tu as ramené ça. On a toutes les réponses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire notre religion, c'est une religion qui est assurée, qui est saine et qui est préservée. Ce n'est pas des gens qui ont inventé ces croyances-là. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas lieu de faire des déductions dans la aqida. Quand on a parlé, n'est-ce pas, des maximes de fiqh, la jurisprudence dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la jurisprudence, il y a beaucoup d'espace pour la déduction. Voyez-vous, on avait parlé de la question de l'analogie, si vous vous rappelez bien. Qiyas, n'est-ce pas? On va revenir sur ça une autre fois, Inch'Allah. Mais le sens ici, c'est que quand on parle de jurisprudence, c'est flexible. Si toi, tu es qualifié, tu as les outils pour être considéré comme un juriste en islam, comme un savant, tu peux te permettre, avec l'intention bien sûr de chercher le bien, pas de jouer avec la religion, tu peux te permettre de faire des déductions, sans avoir nécessairement un texte, un verset ou bien un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est parce que la jurisprudence touche à la pratique humaine. Et la pratique humaine, elle évolue. Les temps changent, n'est-ce pas? Lors d'une ère, tu n'as rien. Les gens voyagent sur des chevaux. Dans une autre ère, tu as des voitures. Dans une autre ère, tu as des avions. Et ainsi de suite. Donc, les pratiques évoluent. La société évolue. Et c'est de ce fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité de faire des déductions. Mais quand on parle de la croyance, on parle ici de réalité. Ce n'est pas des pratiques à la base. Voyez-vous, c'est le monde invisible. Le paradis, quand on croit que le paradis il existe, que tu sois en 2013, en l'an 1000 avant Isa alayhi salam ou autre chose, le paradis a toujours existé. C'est une créature d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, nos pratiques humaines ne changent rien en ça. Donc, il n'y a pas lieu à faire des déductions. C'est parce qu'ici, tu es en train de parler de faits, de vérité. Ce n'est pas une question de jugement, de dire c'est bien ou c'est mal. On parle ici de est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant? Pas de questions, vous êtes certain? Oui. On va parler plus tard, Inch'Allah. Quand on va entrer dans les détails, bi'idni Allah ta'ala. Na. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tayyib. Maintenant, pour ce qui est de notre texte, ça veut dire le texte qu'on va étudier. Pour ce séminaire-là, parce que, comme vous le remarquez, à chaque séminaire, c'est différent. Voyez-vous, quand on a fait le séminaire des sciences du Coran, on a préparé la matière à travers de plusieurs sources. Mais dans ce séminaire-là, on va se baser sur un texte. Ça veut dire un texte classique, une référence. Ce texte classique-là de la croyance, il s'appelle « Al-Aqida الطحاوية. العقيدة الطحاوية دو الإمام أبو جعفر الطحاوي كي ديسيدي أن لون 321 لون 321 دو لا هجرة. Ça veut dire après la هجرة du prophète عليه الصلاة والسلام, ce qui est équivalent à l'année 933 du calendrier grégorien. L'année 933 du calendrier grégorien. Ça veut dire, ça fait combien de temps? 2013 moins... Qui est bon en maths comme ça? Calcul rapide. 2013 moins 933. Faites vos calculs et vous allez nous le dire. Donc ça, c'est un grand savant du madhab de... De quel madhab? Est-ce que quelqu'un il sait? Oui. Hanafi. De l'école Hanafite. C'est l'un des savants de l'école Hanafite. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. Son texte, la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que c'est l'un des textes les plus reconnus sur la croyance de Ahlou As-Sunnah. C'est un texte qui est très connu, très fameux, à travers l'histoire. Maintenant, le texte en tant que tel, c'est un texte qui est bref. C'est un texte qui n'est pas tellement détaillé que ça. Ça veut dire le texte, on pourrait l'étudier en 3 heures. Comme ça, on pourrait dire mot par mot, l'expliquer et c'est fini. Voyez-vous ? Nous, on va se baser plus sur... l'explication, l'étude qui a été faite à propos de ce texte-là par un autre savant qui s'appelle Al-Imam Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi aussi. La même chose du madhab de l'imam Abu Hanifa. Les noms, vous allez les avoir plus tard, inshallah ta'ala. Donc, pas la peine d'écrire les noms ainsi que les dates. Et l'imam Ibn Abi Al-Izz, rahimahullah ta'ala, c'est un autre savant de l'islam qui est décédé en l'année 792 de la Hijra. Ça veut dire après... l'exil et la hijra du prophète alayhi salatu wa salam. Ça veut dire on parle environ de 8 siècles après le temps du prophète alayhi salatu wa salam. Ce texte-là, qu'on appelle le texte de l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, on ne va pas le prendre en tant que tel. Pour compliquer les choses, on va passer à une troisième personne. Pourquoi? Parce que la façon dont l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, a écrit son texte, comme on l'a mentionné à maintes reprises, n'est-ce pas, les textes classiques dans le temps n'avaient pas la même nature académique que de nos jours. De nos jours, on aime tout ce qui est organisé. On a besoin chapitre numéro 1, chapitre numéro 2, chapitre numéro 3. Dans le temps, non. Les gens étaient ouverts à avoir un texte qui serait, qui va de droite à gauche, de droite à gauche. Les gens étaient habitués à ça. Ils peuvent facilement l'assimiler. Voyez-vous, de nos jours, on n'est pas capable. Si je vais vous parler maintenant un peu de croyance, n'est-ce pas? Un peu de qadar, et après ça, je vais sauter à la prière, et après ça, je vais revenir à l'éthique, etc. Vous allez être perdus. Vous allez dire, c'est un cours sur quoi? On parle de quoi exactement? C'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi le thème? N'est-ce pas? C'est quoi le plan de notre séance aujourd'hui? Donc, on n'est pas habitué à ça. Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, il a écrit son texte de la façon classique. Ça veut dire qu'il parle un peu des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après ça, ça passe au destin, à la prédestination. Après ça, telle chose. Après ça, il revient aux attributs d'Allah, ainsi de suite. Donc, il y a un savant, plusieurs savants contemporains qui ont fourni l'effort de faire quoi? De réorganiser. Juste prendre le même texte. Juste le réorganiser, n'est-ce pas? Sous forme et sous format académique. Ça veut dire que c'est par chapitre. Et l'un de ces savants-là, c'est Cheikh Salah Sawi, qui a un livre qui s'appelle « Tahdhib ou Sharh al-Tahawiyya ». Vous allez avoir le nom, inshallah, dans vos notes de cours. Et sur Internet aussi, on va vous fournir, pour ceux et celles qui lisent l'arabe, le texte en tant que tel en PDF, en arabe, si vous voulez le lire, inshallah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tayyib, avant de finir, inshallah, avec cette courte introduction à la croyance, j'aimerais aussi mentionner que le texte de l'imam al-Tahawi, ça veut dire le texte qu'on est en train d'étudier, ce n'est pas nécessairement un texte qui est parfait. Ça veut dire parfois il a exprimé certaines choses d'une façon qui n'était pas très précise. Et on va les voir, inshallah ta'ala, on va voir que ces choses-là, on va, les ulama l'ont un peu critiqué sur ça, on va voir c'est quoi la raison et ainsi de suite. Donc ce n'est pas un texte qui est parfait, c'est notre texte, n'est-ce pas, qui représente la base de notre cours en tant que tel. Mais on va expliquer ça, inshallah ta'ala, en détail. Et pour finir, inshallah ta'ala, pour vous donner un aperçu général de tous les séminaires qui vont venir sur la croyance, inshallah ta'ala, c'est organisé de quelle façon? Ça consiste en 8 chapitres majeurs. On a 8 chapitres majeurs. On va commencer avec le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est quoi? C'est croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah. Ça veut dire le premier pilier de la foi. Le deuxième pilier de la foi, ça serait quoi? Les anges, qui sera notre troisième chapitre, inshallah. Le troisième pilier de la foi, c'est quoi? Les livres, qui sera notre quatrième chapitre, c'est parce qu'on saute de 1, c'est plus 1. C'est toujours le chiffre qui représente le pilier plus 1. Après ça, ça va être les prophètes et les messagers, alayhim salam. Et ça, ça sera notre cinquième chapitre. Le cinquième pilier de la foi, c'est le jour dernier et les signes de la fin des temps et la mort et la vie dans la tombe et ainsi de suite. Et ça, ça va être notre sixième chapitre. Et le sixième article de la foi, c'est la foi en la prédestination. Et ça, ça va être notre septième chapitre. Le premier et le huitième, c'est quoi? Le premier, dans le premier chapitre, on va parler du concept de la foi en tant que tel. C'est quoi la foi en islam? Ça veut dire, avant d'entrer dans les piliers de la foi, il faut comprendre c'est quoi la foi. Le huitième chapitre, le dernier, inshallah ta'ala, ça va être quelques questions diverses que les ulama, ils ont ajoutées à leur texte sur la croyance. À leur texte sur la croyance, comme par exemple le devoir d'aimer les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, et ainsi de suite. Ça veut dire questions diverses sur la croyance. Pour finir, inshallah ta'ala, je vous avertis à l'avance que ce n'est pas tous les chapitres qui sont sur le même degré de facilité ou bien de complexité. Je vais vous dire, selon moi, mon opinion personnelle, les parties les plus difficiles de tout ce texte-là et de la croyance en général, c'est quoi? C'est le premier chapitre, celui qui traite sur la foi. C'est un peu complexe. Ça va demander un peu de concentration, un peu de questions, un peu de révision. C'est très normal. C'est très normal. Après ça, quand on va parler de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va y avoir la partie qui va traiter sur les noms et les attributs, qui va être aussi un peu complexe, parce qu'on va traiter ici de quelques gens qui ont dérapé à droite et à gauche. Et après ça, quand on va arriver, inshallah ta'ala, à la croyance en la prédestination, al-qadr, ça pourrait être complexe pour certaines personnes. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça complexe, mais il y a des personnes qui trouvent ça un peu complexe. Mais inshallah ta'ala, avec l'aide d'Allah, on va faire de notre meilleur pour tout simplifier, inshallah ta'ala. Le reste, inshallah ta'ala, ça devrait être des choses qui sont vraiment faciles et simples à assimiler. Est-ce que c'est clair? Yarhamukumullah. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك